Le sable murmure un nom depuis les dunes. Reidelskill revient avec le souffle des anciens. Chaque pas grave mon nom dans la poussière. Reidelskill ne suit pas, il trace. Je croise les carcasses, les silences. Je bâtis avec patience. Reidelskill.